qui dit la ilaha illallah, mukhlisan, c'est-à-dire sincèrement de son cœur, il doit entrer au paradis un jour ou l'autre. Quand on voit les sahaba, n'allaient pas dans les rues et crier ce hadith-là, surtout s'ils voyaient une personne commettre un péché, ils n'allaient pas lui dire man qala la ilaha illallah mukhlisan nafa'atu yawman min dahrihi, ou une autre expression du hadith. Non, mais Omar ibn Khattab interdisait aux compagnons de propager ce hadith-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit à Mu'az radiallahu anhu, quand Mu'az lui a dit je veux apprendre aux gens la bonne nouvelle, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, ne leur apprends pas ce hadith-là parce que ils vont laisser tomber le travail, ils vont plus avoir peur de Dieu si on veut, ils vont se contenter de dire la ilaha illallah sincèrement de leur cœur. Mais quand les kharijites sont apparus avec la force par laquelle ils sont apparus, alors tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont proposé ce hadith, contrairement à leur action précédente. La deuxième chose aussi, c'est quand ils sont réapparus après la mort des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les savants étaient entre deux feux si on veut. Le premier feu, c'est le fait que ceux qui ont l'habitude de commettre des péchés entendent ce hadith-là. Ils voient les savants l'enseigner dans tous leurs cours. Alors, il va dire, ça va, je suis bien comme je suis mieux que celui qui l'idolâtre, que celui qui ne croit pas en Dieu et en ses prophètes. Et alors, c'est comme ça que vont se propager les vices, les péchés. Le deuxième feu, c'est quoi? C'est le fait que les kharijites, ils fassent sortir de l'islam les faibles de l'islam, les faibles musulmans qui ont la foi faible, qui tombent dans le péché, et qu'ils disent leur sang, on le fait couler, et leurs femmes, on a le droit de les prendre comme des tonnes de guerre, et comme esclaves, si on veut, et leur argent est permis. Et c'est bien connu, la valeur du musulman chez Dieu, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la valeur de la Kaaba, son aspect sacré, est moins élevée. La valeur est moins élevée que la valeur du musulman chez Dieu. Et dans un autre hadith, le zawal ad-dunya, indallahi ahwanu min qatl an-nafs al-muslim. C'est-à-dire que le fait de tuer un musulman, c'est un très très grave péché. Le hadith, le zawal ad-dunya ahwanu ala Allah min qatl rajul muslim, rawahu at-Tirmidhi wa an-Nasa'i. Et à l'époque où on est, si on entendait que tel pays kafir voulait maintenant attaquer le Kaaba, ou bien le Quds, comme on entend ces derniers jours, ce que les juifs font autour de le Quds, tous les musulmans vont se réveiller comme une seule personne et vont crier à la défense de leur chose sacrée. Mais qui c'est qui crie pour défendre l'âme musulmane, pour défendre la personne musulmane, pour défendre sa valeur? Personne ne crie, sauf les savants. Et qui c'est qui connaît la valeur des savants? Ce sont seulement ceux qui ont commencé à apprendre le ilm, comme on dit certains sages. La ya'lamu al-fadla li dhawi al-fadli illa dhawi al-fadli, c'est-à-dire que personne ne reconnaît la valeur aux gens de valeur à part les gens de valeur. Ceci est un point important que j'ai voulu éclaircir. Le troisième point relatif à la science et aux savants, c'est de bien savoir que la politique est du domaine des savants, mais pas du domaine des petits qui ont commencé à à apprendre, qui commence à avoir un peu de science et qui se croit capable de répondre aux grandes questions qui touchent la nation musulmane. Et à cela on peut dire, si quelqu'un vient vous poser une question relative aux règles, le sang sale, Voilà, des règles. Ou bien toutes choses relatives, comme ils ont l'habitude de dire, l'haïd ou nifas, c'est-à-dire, ils disent que les savants, les grands savants, ceux-là qui existent à notre époque, ce sont des savants qui s'occupent des règles, l'haïd ou nifas et tout. On va leur poser des questions. Si quelqu'un venait vous poser une question relative à la purification de ce sang-là, de l'état d'une personne, par exemple, ma femme veut faire un pèlerinage, mais il lui arrive le haïd et tout ça et tout ça. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez ramener des choses nouvelles de votre tête? Ou bien vous allez ouvrir un livre, par exemple, Fiqh al-Sunnah, hein, et lire mot à mot et rabâcher ça? Et si votre niveau est un peu plus élevé, vous allez lire un livre un peu plus fort que Fiqh al-Sunnah, etc. Ou bien vous allez parler de votre avis. Bien sûr, même s'ils mentent, ils disent que nous allons ramener de notre science, de ce que nous savons, nous savons bien qu'en vérité, ils suivent pas à pas les paroles des savants. Donc, vous avez donné plus de valeur au sang sale que le sang propre, le sang dont on a vu la valeur, auquel la valeur que Dieu a donnée. C'est-à-dire que le sang du musulman est sacré. Et c'est très grave de le faire couler. Et la politique, ce n'est que ça. Parce que c'est de la politique que dépend, c'est de la politique que dépend la sécurité des gens, dépend la force, dépend le sang qui va être coulé par leurs soldats, par les jeunes insensés qui commettent des actes insensés. C'est pour ça que Dieu a dit. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Quand leur parvient une information concernant la sécurité interne ou externe du pays, et ça c'est la politique, ils la diffusent. Qui ça? Ils parlent des gens autres que les savants, le peuple si on veut, s'ils l'avaient plutôt rapporté aux messagers et à ceux des leurs qui détiennent le pouvoir, elle serait certainement parvenue à ceux d'entre eux. Regardez, constatez bien, ceux d'entre eux. Certaines personnes qui détiennent le pouvoir, elles seraient certainement parvenues à ceux d'entre eux, pardon, qui savent en tirer des conclusions valables. Et qui sait tirer des conclusions valables, c'est la personne qui a un savoir, c'est le savant. Et c'est pour ça que même les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils avaient la science pour répondre à ces questions-là, contrairement aux petits de notre époque qui veulent enlever ce rôle-là aux grands savants, même les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand arrivait une chose nouvelle, ils allaient aux grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Anas ibn Malik, comme rapporte Ibn Abdelbar, il disait كان أكابر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. C'est-à-dire, les grands compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم nous interdisaient d'insulter les gouvernants. Quand il parle du gouvernant, ça, c'est la parole qu'il a prononcée à Anas ibn Malik quand les gens commençaient à insulter le Hajjaj ibn Yusuf. Le Hajjaj ibn Yusuf, on en a parlé, c'était un tyran. Mais le fait de l'insulter, ça ramenait des torts à la personne qui insulte. Et c'est ça qui causait sa mort. Et c'est ça qui faisait disparaître les savants de son époque. Et un point que j'avais oublié de citer, c'est que certains ne comprenaient pas pourquoi l'époque de Omar ibn Abdelaziz était moins bonne que l'époque de Hajjaj ibn Yusuf. Vu que le hadith il dit, alors les savants ont répondu, quand on constate la parole de Ibn Saoud qui l'a expliqué, il a dit c'est-à-dire tu ne juges pas avec le gouvernement. Regarde, le gouvernement, Omar ibn Abdelaziz, il est mieux que le Hajjaj ibn Yusuf. Mais, walakin zahaba ulama'ikum. Il a dit, les savants ont dit, à l'époque de Omar ibn al-Aziz, il n'y avait pas de compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'à l'époque de Al-Hajjaj ibn Yusuf, il y avait Abdullah ibn Omar, il y avait Abdullah ibn Zubair, il y avait beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que son époque a été préférable à l'époque de Omar ibn al-Aziz. Ça, entre parenthèses. Je reviens à la parole d'Anas ibn Malik, que j'ai dit, il a prononcé à, la fitna, à l'époque de la fitna de Al-Hajjaj ibn Yusuf, il a dit, les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdisaient d'insulter les gouvernants. Pourquoi? Pourquoi il a dit les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il sait que les questions délicates, la politique, ce n'est pas n'importe quel savant qui y répond, ce sont les grands savants. Ce sont les grands savants. Et la même chose, quand Abu Musa al-Ash'ari, il a vu, comme on a dit, ces groupes-là faire le zikr, invoquer Dieu en groupe, et ce sont ces groupes-là après qui ont combattu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit Rawi al-Hadith, فَرَأَيْتُ مُعْظَمَ تِلْكَ الْحِلَقِ يُطَعِنُونَنَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ. C'est-à-dire, il est allé voir Ibn Mas'ud, il lui a posé la question. Il est revenu à la personne la plus savante qui était autour de lui, qu'il connaissait. D'autre part, le fait de juger, le fait de parler dans la politique, de juger l'avenir d'après ce qui se passe dans l'actualité, ça fait partie, ça dépend de qualité que ne peut acquérir la personne que lorsqu'elle s'érode bien avec la science. C'est pour ça qu'il disait Ad-daha ou al-istidlalu ala al-awaqibi bil-mabadi. C'est-à-dire, le plus important, c'est de juger ce qui arrive, l'actualité, un bon jugement, un jugement construit sur les bases de la religion, les véritables bases. C'est pour ça que l'imam al-Barbahari, qui est l'élève de l'imam al-Marwazi, qui lui-même est l'élève de l'imam Ahmad, a dit « Mais n'iktafa bis sunan ghalaba ahl al-bid'ah kullahum » Et c'est-à-dire, celui qui se suffit du kitab al-sunna, il peut combattre tous ceux qui sont déviés. Il parle ici précisément de 72 sectes. Mais celui qui examine bien l'histoire voit que ceux qui ont combattu l'islam, les orientalistes, entre autres, n'ont ramené leurs idées que des livres de ceux qui ont ramené les innovations dans l'islam. Et c'est bien connu que les orientalistes, très souvent, ils ramènent des paroles de ceux qui ont dit, par exemple, qu'on n'avait pas besoin de la sunna, on a besoin seulement du Coran. Il y a ceux qui disent aussi que la sunna, il y a la sunna authentique, il y a la sunna qui n'est pas authentique. Et en vérité, celui qui examine bien les livres des savants, il trouve la réponse à la majorité des cas qui arrivent à notre époque, par exemple, des cas, je veux dire, de paroles de ceux qui combattent l'islam. Entre autres exemples, on peut citer la parole de l'imam Hakim. L'imam Hakim fil Musadrak, le deuxième volume, la 270e page, il dit قد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر كلها سقيمة غير صحيحة. يعني ce que disent les orientalistes à notre époque, que comme quoi la sunna, il y a beaucoup de hadith inauthentiques qui sont rentrés dedans, on voit bien que l'imam Hakim à son époque et autres, ils avaient répondu à ces shubuhat, si on veut, à ces calomnies. Donc, celui qui qui se perfectionne dans le Kitab et le Sunna, en vérité, il se guide. Dieu le guide à trouver la bonne réponse à l'événement qui arrive, à le bon jugement au sujet de l'événement qui arrive. C'est pour ça que Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, قال اجعلوا إمامكم خيركم, c'est-à-dire que votre imam, votre gouvernant, soit le meilleur d'entre vous. Et le meilleur d'entre vous, c'est l'ilm ou l'amal. D'abord dans la science, et deuxièmement dans les actes. Et c'est lui-même qui a dit, radiallahu anhu, إن على الحق نورا ويعرفه صاحبه إذا سمعه, c'est-à-dire la vérité est accompagnée de sa lumière, de sa splendeur, et cette splendeur-là ne la reconnaît que le propre, si tu veux, celui qui suit la vérité. Et celui qui suit la vérité, il veut dire par là le savant. صاحب الحق, c'est en priorité le savant, إذا سمعه. Et pourquoi cela? Et pourquoi cela? Parce que ces savants, ce sont eux qui connaissent le mieux la Kitab et la Sunna, le Coran et la Sunna. Et celui qui connaît mieux le savant connaît mieux le Coran et la Sunna que quiconque autre. Donc, il va savoir mieux ce que Dieu a choisi pour l'individu. Et jadis il était dit, اختيار الله خير لك من اختيارك لنفسك. C'est-à-dire que le choix que fait Dieu pour toi, il est mieux que le choix que tu fais pour toi-même. C'est pour cela que Dieu a établi salat istikhara, c'est-à-dire les deux prières compris quand on veut, par exemple, voyager, ou bien accomplir n'importe quelle action, comme par exemple un mariage, ou bien un commerce qu'on veut entreprendre, une affaire qu'on veut réaliser. Alors, c'est bien connu, l'individu prie deux rak'at et demande à Dieu de choisir pour lui. Donc le savant connaît mieux que quiconque autre ce que Dieu choisit pour l'individu. Et c'est pour cela que le fait de suivre le savant dans la chose la plus importante dont dépend la sécurité des gens, c'est-à-dire la politique, il faut revenir aux savants sur cette question importante. Et c'est pour ça, l'imam Shatibi dit dans l'Ihtisam, le premier volume, page 361, بل إذا عرضت النوازل روجع بها أصولها فوجدت فيها ولا يجدها من ليس بمجتهد ولا يجدها من ليس بمجتهد وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه. C'est-à-dire, quand parvient une chose nouvelle, ou bien quand un malheur s'abat sur la nation, ou bien toute chose nouvelle en général, qui arrive, un événement qui arrive à la nation, c'est le savant qui sait bien juger cette question. C'est le savant qui sait bien orienter les gens. Et ceux qui ne sont pas savants, ceux-là ne peuvent pas bien porter leur jugement. De la même façon, quand l'individu sait que le diable ouvre 99 portes du bien à l'individu pour qu'il tombe dans une seule porte, pour qu'il rentre par une seule porte du mal, alors on se rend compte de l'importance du savant qui connaît bien les portes par lesquelles entre le diable. Et tout le monde connaît les livres des savants qui ont été édités, par exemple, dans ce domaine, comme le livre d'Ibn Jawzi, Tilbis Iblis, par exemple, le livre d'Ibn Qayyim, Iras al-Hafan, et aussi un livre très important dans le domaine d'Ibn Qayyim lui-même, I'lam al-Muwaqqi'in, qui parle de l'importance du savant et comment le savant sait bien reconnaître les situations, sait bien analyser les situations et porter son jugement à son sujet. De la même façon, on sait que Dieu préserve la nation avec les savants. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans Sahih Muslim, le jour de la bataille de Badr, il a demandé à Dieu de préserver ses compagnons, les seuls musulmans qui étaient à cette époque-là et qui allaient transmettre l'islam aux générations qui viendraient après. Il a dit: Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba la tu'badu min ba'di, la tu'badu min ba'dihim. C'est-à-dire, ce sont ceux-là qui vont propager la science, qui vont apprendre aux générations qui viendront après et qui vont en fin de compte préserver l'islam. Et de la même façon, Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit: Laula Abu Bakr stukhlifa ma ubid Allah. C'est-à-dire, si ce n'était pas Abu Bakr qui avait été khalifa le premier, quand il a bien supporté le jugement au sujet de ceux qui ont refusé de donner la zakat, et qui a bien su se comporter vis-à-vis des tribus qui ont renié l'islam, alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disaient, comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lui demandait de s'occuper de ces tribus-là avant, de ne pas envoyer l'armée qu'il voulait envoyer pour combattre les Byzantins. Mais Abu Bakr radiallahu anhu, il a su que le fait de suivre l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son dernier acte vis-à-vis de son dernier acte militaire, c'est d'envoyer l'armée dirigée par Oussama ibn Zayd qui allait combattre les Byzantins. Et l'histoire est bien connue. Ce que je veux dire ici, c'est ce que je veux montrer ici, c'est l'importance du savant quand il y a des situations politiques qui sont délicates. Et c'est pour ça que les savants disaient que le savant, Dieu préserve par lui l'islam, Dieu préserve par lui les intérêts communs des gens sur cette terre. Et entre autres, ils disaient: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبلا وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. الأئمة ici, ça peut être dans le sens des gouvernants, mais ça peut être aussi dans le sens des savants. Et c'est bien connu que très souvent, le savant peut bien conseiller le gouvernant et ce gouvernant-là être bien dirigé. Même si le gouvernant n'entend pas toutes les paroles du savant, mais comme a dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah dans Minhaj Sunan al-Nabawiyyah, il peut au moins limiter les dégâts de ce gouvernant. Il peut au moins le conseiller à suivre, à ne pas tomber dans les erreurs que, dans lesquelles tombent plusieurs gouvernants. Et certains croient que les meilleurs politiciens, ce sont ceux qui connaissent le mieux l'actualité. Et en vérité, comme on va voir, l'actualité, l'événement, le fait qu'il s'accomplit devant tes yeux, il peut tromper. Et on peut donner des exemples pour démontrer ça. Puis nous pouvons dire à ceux qui croient que le fait que les savants ne parlent pas aux individus qui viennent apprendre chez eux, ne parlent pas de politique et ce qui s'est passé et de tout ça, ceux qui croient que ça veut dire que les savants ne comprennent pas la politique, on peut leur dire qu'en vérité, vous occupez les gens, ceux qui ont besoin d'apprendre comment commencer à prier, ceux qui ont besoin d'apprendre comment commencer toutes les adorations, vous les occupez de choses dont ils n'ont pas besoin et qui n'est pas de leur domaine. Et c'est pour ça que certains sages disaient: من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه ومن لم يستغني بما يكفيه فليس في الدنيا شيء يغنيه. C'est-à-dire celui qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas, alors il sera distrait, il ne pourra pas s'occuper de ce qui le regarde, de ce qui lui est important. Et c'est pour ça Ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il disait? كان يقول اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. والأثر رواه الدارمي وهو صحيح. C'est-à-dire, suivez les pas des anciens, suivez les pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous ceux qui les ont suivis. Suivez-les et n'innovez pas. Ils vous ont suffi toutes choses. C'est-à-dire, toutes choses qui peuvent vous ramener du bien, de l'intérêt, alors ils vous ont appris ces choses-là et vous les trouvez en apprenant leurs paroles. Et c'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam disait مَا تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللَّهِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَمَا تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئًا يُبَاعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ وَيُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نُهَيْتُكُمْ عَنْهُ. والحديث رواه الشافعي في الأم وهو صحيح. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé de choses qui pouvaient nous être des dangers sans nous avoir prévenu d'éviter et ordonner d'éviter ces choses-là et sans qu'il en ait parlé. Donc, les savants qui connaissent bien la sunna vont être au courant de ces choses-là. Ils vont être avertis. Ce n'est pas quelqu'un qui est nouveau dans la science, dans le savoir, qui va connaître ces choses-là mieux que ces savants-là. Quant à ceux que j'ai cités, qui n'arrêtent pas de dire dans les prêches du vendredi et dans les cours communs, tel savant ne connaît rien à la politique, tel savant est emprisonné entre quatre murs, tel savant ne connaît pas le hadith, tel autre savant ne connaît pas le fiqh. Et tout cela en vérité pour salir ce savant-là, pour que les gens ne les suivent pas et suivent ses paroles, parce qu'en vérité il sait que ses paroles sont contraires au kitab et sunna, et que ces savants-là vont avertir les gens de ces déviations. Et précédemment, nous avons vu l'histoire de ce savant-là qui a entendu un individu insulter les savants et dire que les savants du hadith ne connaissaient pas le fiqh et comment il l'a mis en échec. Et nous avons vu certains de ces gens-là qui prétendaient que les grands savants ne connaissaient rien aux choses, à la politique et à la géographie, à l'histoire, aux langues, etc. Et en vérité, certains de nos frères lui ont répondu, lui ont dit, est-ce que ces choses-là, toute personne doit connaître, c'est-à-dire, est-ce que si tu meurs sans connaître à fond l'agriculture par exemple, ou bien sans connaître les langues et l'histoire des langues, la philosophie des langues, sans connaître l'histoire, sans connaître la géographie, est-ce que ça influera sur ton entrée au paradis ou non? Bien sûr, il est obligé de répondre non. Parce que les choses qui nous sont indispensables, comme à connaître, comme l'histoire, la géographie, les langues, comme l'agriculture, ces choses-là, il suffit que certaines personnes les connaissent et que les gens qui ont besoin de savoir, qui ont besoin de poser des questions à ce sujet-là, reviennent à ces gens-là. Donc, quelle honte y a-t-il que les grands savants ne connaissent pas la psychologie, ne connaissent pas l'astronomie, ne connaissent pas les mathématiques? Il n'y a aucune honte en vérité. Et ça, c'est-à-dire, je dis, si on s'entend avec lui, rien que pour marcher dans le dialogue, si on s'entend avec lui, comme quoi les savants ne comprennent pas la politique. Et ça, bien sûr, comme on a vu, c'est un mensonge. Et un de ces individus-là n'arrêtait pas de parler des grands savants. Et je lui ai posé des questions dans tous les domaines, et qu'il croyait connaître à perfection. Et cet individu-là a un diplôme de doctorat dans l'épistémologie et l'islam, c'est-à-dire l'ilm ou l'iman, et normalement il devait connaître tout ce qui a rapport avec la science. Et plusieurs de nos frères ont vu comment il présentait beaucoup de théories occidentales d'une fausse façon, et il voulait seulement montrer qu'il savait parler de choses que les individus qui était en train de l'offendre ne comprenait rien. Donc, ces personnes-là qui insultent les savants, eux-mêmes, si on regarde bien, si on analyse bien, ne perfectionnent pas ce qu'ils prétendent. Ce qu'ils prétendent connaître, ils ne connaissent pas la politique. Et comme j'ai dit, le fait de connaître l'information, la dernière information, ce qui s'est passé en Roumanie, ce qui s'est passé dans des pays qui, même si leur histoire nous concernait, même si l'actualité de ce pays-là nous concernait, on ne pourrait rien faire pour telle et telle personne, ces gens-là, en fait, ils n'ont aucune valeur supérieure à celle des autres musulmans. Parce que, comme j'ai dit, un journaliste de n'importe quelle chaîne de télévision ou bien de n'importe quelle chaîne de radio va être plus savant que lui. Donc quelle est la différence entre le savant qui peut porter le jugement au sujet d'une affaire qui arrive dans un pays musulman, par exemple d'une invasion d'un pays autre que musulman,